L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ne ratez pas cette belle éclipse totale de lune qui nous attend dans la nuit de dimanche à lundi. Certes, de telles éclipses ne sont pas très rares, mais celle-ci sera particulière, car il se trouve que la lune sera au même moment à son périgée, son point le plus proche de la Terre. Nous verrons donc une super lune toute rouge. Lorsque la lune est à sa distance minimale de la Terre, 357 000 km, son diamètre apparent est de 14% plus grand que la moyenne et sa luminosité 30% plus forte. L'éclipse débutera à 3h07 lundi matin, donc 28 septembre, et la phase de totalité, c'est-à-dire la Lune totalement dans l'ombre de la Terre, débutera, elle, à 4h11 pour durer un peu plus d'une heure, avec le maximum à 4h47. La Lune sera située vers l'horizon sud-ouest, assez basse sur l'horizon, mais on ne pourra pas la manquer. Nous verrons décroître sa luminosité petit à petit entre 3h07 et 4h11, puis cette belle teinte rouge brique se mettra à dominer durant une bonne heure jusqu'à 5h21 et la sortie de la totalité. Rappelons ici pour quelle raison, lors d'une éclipse totale de lune, celle-ci apparaît rousse, orangée, voire carrément rouge. Alors que l'on pourrait penser qu'en entrant dans l'ombre que produit la Terre, elle devrait entièrement disparaître. La Terre produit une zone de pénombre et une zone d'ombre qui sont situées dans la direction opposée du Soleil. Si la Lune ne passe pas systématiquement tous les mois dans ces zones, c'est parce que le plan de son orbite autour de la Terre ne coïncide pas avec le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Mais ces deux plans se croisent à intervalles réguliers, donnant lieu soit à des éclipses de soleil quand ce croisement a lieu du côté éclairé, ou bien à des éclipses de lune quand il a lieu du côté ombragé. Et une éclipse est totale lorsque l'alignement des trois corps, soleil, terre, lune, est parfait, sinon elle n'est que partielle. Mais alors pourquoi cette couleur brique si caractéristique pour la Lune au cours d'une éclipse lunaire totale? Eh bien, c'est à cause de l'atmosphère de la Terre. Si la Terre n'avait pas d'atmosphère, l'ombre qu'elle ferait serait parfaitement sombre. Mais il se trouve que la fine couche d'air qui entoure le globe possède la propriété de réfracter la lumière. La réfraction de la lumière est le phénomène qui fait changer de direction au rayon lumineux lorsqu'il change de milieu de propagation. L'indice de réfraction d'un milieu donné est égal au rapport de la vitesse de la lumière dans ce milieu par rapport à celle dans le vide. Les photons sont défléchis au cours de leur traversée de l'atmosphère, et ce d'autant plus que l'épaisseur traversée est importante. Et cette déflexion est différente selon la longueur d'onde. D'autre part, l'atmosphère absorbe les longueurs d'onde également différemment, préférant le bleu au rouge. Il ne s'agit en fait ni plus ni moins que du phénomène que nous pouvons admirer tous les matins et les soirs lorsque le soleil, proche de l'horizon, se met à devenir rougeoyant. Ces photons doivent traverser une épaisseur d'atmosphère de plusieurs milliers de kilomètres au lieu de quelques dizaines lorsqu'il est au zénith, accentuant le phénomène d'absorption et de réfraction. Ainsi, vu de la Lune, au moment d'un alignement donnant lieu à une éclipse lunaire, la Terre apparaît simplement comme un très mince anneau rouge perdu dans l'obscurité de l'espace. Et ces photons rouges éclairent alors la surface de la Lune qui nous les renvoie gentiment pour notre plus grand plaisir. Je vous souhaite une belle observation, un bon ciel et surtout n'oubliez pas de mettre votre réveil car ce sera pour les leftos. Allez, à très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez à l'écoute sur le www.ça se passe là-haut.fr. et ainsi que sur PodCloud et iTunes pour ce qui concerne ce podcast. D'ici là, portez-vous bien, restez bien donc les yeux au ciel et les pieds sur terre. À très bientôt.